Salut, c'est George Michael. TV, I want your sex. Salut, c'est Boy George. TV, I love you, darling. Salut, c'est Dave. TV, c'est mon préféré, alors votez pour lui. C'est Patrick Juvet, c'est pour dire que TV, c'est mon chouchou, alors faut qu'il reste. Hello, c'est Jimmy Somerville. TV. Bonsoir, bonsoir à tous les membres de la Dream Team. C'est Tony, 24 ans de Paris, chômeur depuis le départ anticipé du Roti Hobson vers le Guatemala. Je sais pas ce qu'il fout celui-là non plus. Alors moi, si je vous appelle ce soir, c'est pour changer un peu et vous parler du Love Story. Alors je me suis géré tout ce temps, mais là faut que ça sorte, faut que j'évacue, j'en peux plus. Je voulais mettre en garde les auditeurs de Fun, qui sont mes amis, my friends. See you together in the Wisconsin. Je voulais vous mettre en garde, les amis, contre les maladies comportementales que peuvent engendrer l'intérêt prolongé pour le love story. Et là, c'est le psychosociologue qui vous parle. C'est pas l'homme de terrain, c'est ni le père de famille, ni le businessman. C'est le scientifique qui s'exprime à vous. Alors, j'aimerais mettre le doigt sur ce problème touffu que sont les maladies du loft, comme la kénzose aiguë. Une maladie qui touche surtout la dialectique, c'est-à-dire qu'elle touche le langage. Alors, je vous le fais rapidement. Non, non, je t'arrête tout de suite, d'accord? Aziz, il m'aime, d'accord, ok? Il m'a invité pour aller manger un filet aux flics, ok, d'accord? Mais c'est trop macho pour se l'avouer lui-même, d'accord? J'en bafouille. Il veut pas se l'avouer à son propre lui-même, je veux dire, d'accord? De toute façon, je suis pas comprise. Je vais m'enfermer avec mes taupes, ok? C'est pathétique, hein? Alors que faire si vous êtes atteinte par la kénzose? Eh ben rien, vous êtes foutu, vous pouvez rien faire. Les premiers symptômes se traduisent par une prise de poids abusée, et par des d'accord à chaque fin de phrase. D'accord, d'accord. Mais pour prouver au monde entier que je ne suis ni méchant ni jaloux, je voudrais en direct faire un bisou à Kenza. Kenza, approche ta joue du micro. Je te kiffe, bébé. J'ai envie de t'emmener dans les écuries de Delphine. J'ai envie de faire du cheval avec toi. De faire du cheval jusqu'à ce que le cheval ait les soif. De galoper dans les plaines. Je te kiffe, bébé. La semaine prochaine, j'aborderai le problème du stivisme anal.